cherches, guide-moi au passé, dans l'ailleurs, dans l'après, tu sauras me guider. C'est toi que j'entends me dicter des mots éphémères, des histoires insensées. Écoute au matin cet étrange soupir dans tes bras, je m'en mêle, je m'exile jusqu'à toi. Tous les signes d'un monde insensé se dessinent. Dans les plis de mes souvenirs, je me défile. Tous les signes d'un rêve forcé se présagent. Des nuages au coin de tes lèvres se baladent. Les aveux inavoués que je n'entends pas entre toi et moi. Dis-moi ce que je ne sais pas. Dis-moi ce que tu cachais dans ce monde secret. Je serais celle qui voulait te connaître de toi. Ne me demande pas pourquoi tu le feras mieux que moi. Dis-moi ce